Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion française vous présente en transmission différée la diffusion du spectacle de la Comédie française Salle Richelieu à Paris. Dans quelques instants, vous allez pouvoir écouter tout d'abord en première partie Un voisin sait tout, proverbe en un acte de Gérard Boer et en deuxième partie Nicomède, tragédie en cinq actes de Corneille. Veuillez écouter la présentation du spectacle par M. Edmond C., à qui nous cédons le micro. Nicomède, que la Comédie française a eu l'heureuse idée de reprendre, est une des œuvres les plus originales de Corneille. Et elle marque la constante et si émouvante préoccupation du poète de se renouveler sans cesse, même parvenu à l'apogée de sa carrière, de ne pas s'immobiliser, stagner dans une renommée glorieusement acquise, de se plaire enfin à débuter toujours. L'œuvre, par certains côtés, s'avère cependant tout à fait cornélienne, puisque le poète nous retrace ici, c'est le portrait d'un jeune héros débordant de courage, de poids, d'enthousiasme guerrier, patriotique et d'une rare noblesse d'âme, et qui jointe à tant de vertus agissantes, une hautaine et cinglante ironie dans ses propos. Deux éléments, vous le verrez, interviennent concourant à l'originalité et à la nouveauté d'une telle pièce, un élément tragique et un élément quasi-comique. Et la fusion de ces deux genres est un de ses attraits essentiels. La tragédie, elle naît du conflit entre deux puissances irréconciliables, d'un côté la République romaine avec sa dureté, sa ténacité, son totalitarisme impitoyable et envahissant, et de l'autre les souverains des petites nations soumises à son impérieuse domination et luttant pour y échapper. Ainsi le jeune Nicomède, fils aîné de Brusias, roi de Bithynie, ayant par son courage et sa valeur militaire libéré jusque-là le royaume paternel, se dresse-t-il contre Flaminius, le délégué des Romains, imbu de sa toute puissance, au point de s'imposer comme futur souverain du royaume de Bithynie, un autre fils de Brusias, Attal, né de son long mariage avec une méchante et traîtresse épouse Arsinoé, et d'exiger d'une charmante reine Laodice, tombée elle aussi sous le joug des Romains, qu'elle couronne la flamme de cet Attal et Bridelle, alors que Laodice est passionnément éprise et passionnément aimée de Nicomède. Celui-ci a donc force à faire pour se défendre tout au long de l'œuvre et contre Flaminius, résolu à assurer par tous les moyens le triomphe de Rome sur les souverains vassaux, et contre son jeune frère Attal et contre sa méchante belle-mère, et enfin contre son faible couard et sénile père Brusias, tremblant de peur devant son épouse terrible, et tremblant de peur aussi devant les Romains, auxquels il n'a ni le courage ni la force de résister. C'est à la faveur de ce personnage du vieux roi, une sorte de demi-gâteux couronné, et de celui de la vipérine reine Arsinoé, ourdissant maintes et maintes criminelles manœuvres pour convaincre le brave et généreux Nicomède de trahison aux yeux de son père, c'est à la faveur de ces deux personnages qu'intervient cet élément comique auquel je viens de faire allusion. Car Brusias évoquerait assez, par certains traits, l'argent du malade imaginaire de Molière et la perfide Arsinoé, cajolant, abusant, dépouillant hypocritement son faible époux, nous apparaît un peu comme une autre Béline. Tout s'achève cependant le mieux du monde, afin d'assurer, après nombre de péripéties tour à tour violentes, attendrissantes et ironiques, la victoire du noble et héroïque Nicomède, aussi bien sur le terrain sentimental que sur le terrain politique. Et la victoire aussi du poète, affirmant au seuil de la maturité sa souple et audacieuse maîtrise dans un genre assez rarement exploité jusque-là, la tragicomédie, ce qui lui permettra de proclamer plus tard, non sans une fierté modeste mais légitimement, que de toutes ses pièces, Nicomède est une de celles à laquelle il garde toujours le plus d'amitié. Vous entendrez au préalable Un voisin sait tout, M. Gérard Boer. C'est le premier ouvrage dramatique du délicat écrivain que l'Académie Goncourt a élu il n'y a pas bien longtemps et dont je n'ai pas, n'est-ce pas, à vous rappeler les multiples, diverses et éclatantes carrières littéraires, et qu'il témoigna dans tous les domaines de l'esprit, essais, critiques, romans, chroniques, études historiques, d'une souplesse, d'une virtuosité, d'une grâce analytique peu commune. Ces qualités, elles se manifestent exquisement dans ce proverbe que vous entendrez tout à l'heure, et où, à la faveur d'une brève intrigue sentimentale mettant aux prises une petite ballerine de l'opéra, d'opéra d'autrefois, un parfaitement aimé de celui qu'elle aime, un jeune provincial un peu bourgeoisement égoïste auquel elle livra son cœur et son corps charmant, un autre adolescent sincère et passionné, un voisin de palier qui a surpris le mal dont elle souffre, beaucoup plus digne celui-là d'obtenir ses faveurs, et enfin le père de ce dernier, venu là en éclaireur afin de veiller sur le bonheur de son fils et de l'assurer au besoin, mais qui n'en sera pas moins pour ses frais, pour leurs frais à tous deux, puisque la gente ballerine a juré fidélité à son imparfait amant, elle préfère à tout d'autre en dépit ou à cause de la perfection même. C'est, comme nomme l'auteur, comme il le dit, un simple proverbe. Et ce proverbe-là, Musset lui donnait son adhésion chaleureuse, j'en suis sûr. Et on eût goûté en connaisseur le charme, la fraîcheur, la tendresse spirituelle humanité et, ce qui ne garde rien, la souple adresse scénique. Il est bien à sa place dans la grande maison, où cette carte de visite finement gravée est de nature à accréditer désormais le visiteur. Après la présentation par M. Edmoncet, vous allez entendre, pour commencer le spectacle, « Un voisin, c'est tout », proverbe en un acte de Gérard Boer. En voici la distribution. Jean Debucourt interprétera le rôle du visiteur, Jacques Clancy celui de Jacques, Jean Piat le voisin et Micheline Boudet, Léon. Mise en scène de Jean Debucourt. Le décor représente une petite chambre modeste, meublée tout simplement. À quoi bon? Je ne puis. Mais à quoi bon revenir, Jacques? Tu avais ouvert la porte, va-t'en. Ce que tu souhaites encore me dire, je le devine, je le sais. Nous n'en avons déjà que trop dit. Mais je ne puis partir ainsi. Tu voulais être libre ce soir. Te voilà libre. Mais tu veux une liberté sans remords. Cette soirée me serait insupportable en songeant que je t'ai laissé seule. Cette soirée te serait insupportable. Crois-tu donc que ce soir, sans toi, quand je comptais sur toi, ne me sera pas pénible? Je ne sortirai pas, je ne travaillerai pas. J'essaierai peut-être de lire. La nuit viendra, et je ne pourrai penser à rien qui ne me fasse de la peine. Ben voilà, je ne te rends pas heureuse. Si tu ne me rendais parfois heureuse, je ne te verrais plus, bien sûr, tu me rends heureuse. Mais tu me fais aussi de la peine, aujourd'hui. J'ai de la peine. Je t'ai déjà dit que j'éprouvais autant de déception que toi à ne pouvoir dîner avec toi ce soir. Ce n'est pas pour un plaisir que je te quitte. Oui, je sais. Et tu vas me le répéter, une obligation. Crois-tu que je ne te dise pas la vérité? Que tu me trompes? Oh non, je ne crois pas que tu me trompes. Sincèrement, non. Mais ta sécheresse, lorsque tu veux reprendre ta liberté, comme ce soir, me fait plus de mal qu'une tromperie. Il y a tant de façons de dire ou même de ne pas dire les choses. Il y a des fois où, lorsque tu entres ici, tu es déjà un adversaire, je le sens, à la façon dont tu passes la porte, dont tu me dis bonjour, dont tu ôtes ton chapeau. Quelle imagination, quelle raisonneuse tu fais, Léon. Pourquoi ne prends-tu pas avec plus d'insouciance ce que je t'apporte? Pourquoi te refuses-tu dans la vie un peu de cet oubli que tu trouves dans ta danse? Je t'ai envié parfois en te regardant danser. Oui, plus rien ne comptait plus pour toi que toi. J'étais presque jaloux de ce plaisir que tu prenais ou je n'étais pour rien. Oh, presque jaloux. Oh, presque. Pourrais-tu être jaloux? Plus tard, peut-être. Mais maintenant, tu es trop fort, Jacques. J'ai 20 ans. Je suis à peu près seule au monde. Je n'ai pas encore une grande réputation. Tu es mon premier amant. Ce sont trop d'avantages qui te reviennent pour que tu n'en abuses pas. Puis d'ailleurs, je ne te changerai pas. Mais pourquoi te dire encore toutes ces choses? Allons, va-t'en, va. Tu es libre de passer ta soirée avec qui tu voudras. Mais je la passe avec mon père. Tu fais bien de dîner avec ton père, Jacques. Quelle voix pour me dire cela? Je te dis que tu fais bien de dîner avec ton père, Jacques. Mais je ne peux pas te dire que je sois heureuse que tu dînes ce soir loin de moi avec ton père. D'autant que... Dînant avec lui, je serai encore plus loin de toi que si tu me trompais. Vous parlerez de vous, des vôtres, de votre province, de ton avenir. Rien que de choses où je n'ai jamais été, où je ne puis pas être. Puis-je t'inviter avec mon père ? Tu ne peux pas m'inviter avec ton père, oh non ! Il ne faut pas me le dire. C'est même la seule chose que tu n'aurais pas dû me dire. Oh, quelle amertume, je t'ai dit ça parce que mon père ne te connaît pas. S'il te connaissait, je suis sûr que ça l'amuserait beaucoup de dîner avec toi. Bien sûr. Et il pourrait raconter en rentrant chez lui à l'un de ses vieux amis, j'ai dîné avec la danseuse de mon fils et ils riraient beaucoup tous les deux. Mon père ne dirait pas cela. Tu ne le connais pas, ne le connaissant pas, n'en parle pas. Mais ton père, est-ce qu'il est, Jacques ? Un bon père, j'en suis sûre. Mais Paris, à ses yeux, doit être un endroit redoutable et une danseuse, une fille perdue. Il n'est pas le provincial que tu imagines. Il sait ce que c'est que Paris, l'opéra où il t'a applaudi. Tu s'absurdes, mon père n'est pas cela. Il a des principes et il a raison de les avoir. Mais il comprendrait très bien le sentiment qui m'attache à toi. Je ne suis plus un enfant. Il faut bien que jeunesse se passe. Autant Léon qu'une autre. Autant cette petite Parisienne assez généreuse pour lui rendre son fils lorsqu'il devra s'établir. Mais n'est-ce pas toi qui m'en veux ? Quelle aigreur pour parler de mon père, de ce que je suis, de ma province ! Le monde ne peut pas être né sur le trottoir parisien. Tais-toi, Jacques, tais-toi. J'avais demandé de partir. Tu es resté, ça n'a rien arrangé, tu vois. Et tu viens de me rappeler ce que tu devrais oublier. Il est vrai que je suis une enfant de la rue. Bon, ça ne m'humilie pas, crois-le bien. Je me sens aussi attachée à Paris, aux rues de Paris, que toi à ta province. C'est sans doute ce qui nous fait si différents, Jacques. Je crois même que j'aime mieux Paris que tu n'aimes ta province. Rien ne m'y froisse. Rien ne m'y surprend, je n'y possède rien, mais il m'appartient tout entier. Oh, comme tu es riche. Plus que toi, peut-être. Est-ce que tu me reprochais tout à l'heure est encore plus vrai pour toi. Tu m'aimes, mais comme une ennemie. Peut-être. Il est certain que je ne te sens pas tout à fait de chez moi. Je te regarde parfois comme on regarde un voyageur. Quelqu'un qui repartira après avoir tout pris de ce qu'il pouvait vous prendre pour ses avantages et son plaisir. Est-ce ma faute si je te connais si bien ? Je sais même comment tu vieilliras. Tiens, te rappelles-tu ce jour d'été où nous avons déjeuné ensemble aux Andelys ? Il y avait à la table, derrière toi, un couple qui devait être des bourgeois de Rouen. Un moment où je te regardais, je vis le profil de l'homme derrière le tien. Il te ressemblait, Jacques, avec 30 ans de plus. Il avait dû être beau. Il avait sans doute lui aussi vécu sa jeunesse à Paris. Pendant le repas, il répondait par des oui. Ou des noms à sa femme. Un instant, il sourit avec elle, d'une Parisienne trop élégante, qui venait d'entrer dans la salle. Ce sourire fut leur seule complicité, leur seule minute de tendresse. Puis il recommença de manger et ne parut plus penser à rien. Je vous observais l'un et l'autre, et je me dis en moi-même, voilà Jacques, dans 30 ans. Il aura à la fin du repas devant sa femme et son café, le même visage, sans souvenir. Ne prends pas cette mine boudeuse et amère. Pardonne plutôt à ma déception et à ma franchise et pas. Il faut que je répète un pas. Au revoir. À demain. Au revoir. Non, à demain, Jacques. Oh, il est vrai que je suis exigeante et que je t'en veux de tout ce qui nous sépare, mais tel que tu es, je t'aime. Merci de ton amour, mais je ne t'en demande pas tant. Je te demande ce que je tâche de t'apporter, du plaisir. Le plaisir de te voir, de te faire rire, d'être deux à table, en voiture ou dans les bras l'un de l'autre. Mais point toujours de discuter. Tu es trop intelligente pour ton âge et pour moi. Il faut bien que je profite de mon seul avantage. Oh, tu lasseras les meilleures volontés. Mais ce n'est pas une volonté d'aimer. Mais tu m'ennuies, Léon. Bien, va-t'en. Au revoir. Mademoiselle Léon. Oui, c'est moi, monsieur. Excusez-moi, mademoiselle, de me présenter sans m'être annoncé, mais les circonstances l'ont voulu. D'ailleurs, je suppose que vous accueillerez ma démarche quand vous en saurez l'objet. Monsieur, Je vais vous entendre, cependant puis-je vous demander qui vous êtes? C'est vrai, je vous connais, vous ne savez pas qui je suis. Mon nom ne vous dirait rien. Les noms n'ont de sens que pour ceux qui les ont oubliés, à moins qu'ils ne soient célèbres, et ce n'est pas mon cas. Voilà, mademoiselle, je suis un familier de l'opéra. Et, ou du moins je l'ai été, car je le suis un peu moins maintenant où je vis assez souvent loin de Paris. Et vous permettez, je... Oui, je vous en prie. Ah. Mais en quoi puis-je... Voilà, je vous disais que j'étais un familier de l'opéra. C'est Louveau, le concierge, qui m'a donné votre adresse. Il n'aurait pas dû. Oui, je n'ai pas eu beaucoup à insister, car je lui ai expliqué la raison que j'avais de vous rencontrer. Elle est fort simple. Voilà, j'élève une jeune nièce de 12 ans. Oui. Et je souhaiterais qu'elle prît quelques leçons de danse. Ce n'est pas le tout de savoir lire, écrire, apprendre les poètes. Il faut aussi chanter, et ce qui est mieux encore pour une femme, savoir danser. Mais c'est que monsieur, je ne donne pas de leçons. Ah, vraiment? Eh bien, Louveau m'avait affirmé. Ben, vous pourriez commencer avec cette jeune enfant. Monsieur, je suis moi-même d'un âge où l'on reçoit encore des leçons plus qu'on en donne, dans mon métier du moins. Non, je pense que vous pourriez vous adresser à une danseuse qui forme des élèves, mademoiselle Montessu, par exemple. Oui, oui, la Montessu est une excellente danseuse, je l'ai beaucoup appréciée. Mais c'est moins une perfection que je voudrais voir enseigner à ma nièce qu'une certaine aisance. Je ne veux pas en faire une danseuse, non. Non, mais je voudrais qu'elle apprenne à danser, qu'elle y apporte un peu de cette grâce que vous possédez d'une façon exquise. Je suis sensible à votre compliment. Non, mais... il est sincère et vous devez me croire, car si je ne le pensais pas, je ne vous aurais pas choisi pour vous confier cette jeune enfant que je voudrais voir un jour aussi gracieuse que vous l'êtes. Il y a longtemps que je vous applaudis. Ah ben, je veux dire que je vous ai applaudi depuis le jour où vous avez débuté. Il y a 4 ans. Oui, oui, oui, c'était dans le ballet d'Orphée. Vous faisiez une ombre heureuse. Vous n'avez fait que passer, mais ce passage fut éblouissant. Éblouissant de fraîcheur, de jeunesse, de légèreté. Je vous ai tout de suite remarqué. J'ai lu votre nom, qui était tout à fait inconnu, et suivi ce jour-là dans le programme du mot « début ». Un mot bien émouvant, mademoiselle. Croyez bien que j'étais au moins aussi émue que vous-même. Non, mais je le pense. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, car à la vérité, je n'étais pas émue. Ah non? Non. Est-ce l'extrême jeunesse, une folle assurance? Un enchantement, que sais-je? J'ignore tant de choses de moi-même, mais je n'étais pas émue. J'ai traversé cette vaste scène comme portée par un bon génie. On regrettait que cet été aussi bref. Inspirer le regret, c'est le secret du talent. Je n'ai pas douté de votre carrière. Bon, je débute encore. Je débute chaque fois que je danse. Et maintenant, je suis beaucoup plus émue que le soir dont vous me parlez. Quel âge a votre nièce, monsieur? Je vous l'ai dit, 11 ans. Ah, maintenant que vous me le rappelez, je me rappelle qu'en effet, vous m'avez dit 12 ans. Oui, oui, oui, c'est-à-dire, elle va les avoir. C'est un âge pour apprendre à danser. Quand puis-je la voir demain matin? Non, non, pas précisément, non. Elle habite la campagne. Ah. Oui, oui, dans une huitaine. Bah, je voulais surtout me mettre d'accord avec vous sur le principe. Bah, alors, vous réfléchirez et je reviendrai prendre la réponse. Oh, je crois, monsieur, que nous nous entendrons. Bon. Cependant, il est indispensable que je voie mademoiselle votre nièce avant de vous répondre. Oui. Bah, le mieux serait donc de la confier à sa gouvernante. Pour qu'elle l'accompagne jusqu'ici. Oui, oui. Il est inutile que j'entreprenne cette enfant si elle n'a pas le goût et un peu le don de la danse. Oui, oui, oui, oui. Oui. Eh bien, voilà, monsieur. Eh bien, voilà, mademoiselle. Je vous remercie. Ah, c'est la Camargo, ça. Ah, je ne connaissais pas cette gravure. Elle est jolie. Mm-hmm. Oui. Tout ici affirme que vous aimez votre art. Et tant de conscience m'impose à présent un scrupule, car cette jeune nièce dont je vous ai parlé n'existe pas. Il y a quelques instants que je le sais. Ah. J'ai compris que ce n'était pas à une nièce que vous vous intéressiez, mais... mais j'avoue, à vous, mademoiselle, à vous, certes, oui. Oui, j'ai voulu vous connaître, vous voir chez vous, vous entendre parler. Il y a assez longtemps que vous êtes pour moi cette forme légère, cette apparition si vite enfuie. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être un spectateur. Vous ne voyez de la salle qu'un gouffre d'ombre où votre indifférence unifie les visages qui vous regardent. Nous devenons un monstre à mille têtes, le public. Et pourtant, chacun de ces visages vous observe avec une attention jalouse. Rien ne les lie les uns aux autres. On croit qu'ils goûtent la même satisfaction, mais leurs ardeurs sont rivales. Et dans cette ombre attentive, chaque spectateur voudrait recueillir quelque chose qui, venu de vous, échappe à son voisin. Un geste, un accent, un sourire. Nous inspirons tant de passion, je ne le savais pas. Oh, je crois que vous le savez très bien. Je vous assure que pour ma part, je l'ignore. Que je n'y pense pas, du moins quand je danse. Rien n'existe plus que ce que j'accomplis et qui me saisit tout entier. Ah, oh, alors ça, j'en suis sûr. Ça, c'est impossible de ne pas s'en rendre compte. C'est que je vous ai observé souvent du bout de ma lorgnette, oui. Vous aviez toujours cet air d'absence et de ravissement que donne le plaisir. Et avec ça, si fier. Ah, c'est à peine si les applaudissements vous rendaient un autre monde. Un salut, une révérence, vous accordiez enfin un remerciement à cette foule charmée. Chacun en avait également sa part, et cette égalité décevante, elle peut être aussi consolatrice. Oui, j'en faisais un jour la remarque à mon fils, un jour où il m'accompagnait. Je lui dis, tu vois, c'est le même sourire pour moi que pour tes 20 ans. Vous n'avez pas de nièce? Mais vous avez un fils. Oui, oui, oui, j'ai un fils. Un fils qui vous a applaudi parfois, moins que moi, moins que moi. Il n'a pas tout à fait l'âge de l'opéra, ni de ses fidélités désintéressées. Mais le plus sincère des intéressements ne va pas sans un certain désir de se faire connaître et sans une certaine curiosité. Et voilà la raison de ma présence ici. Et cette raison n'est pas une excuse, monsieur. Et j'ai le droit de vous faire remarquer que vous êtes entré chez moi à la faveur d'une ruse. Oh, mais dites d'un mensonge. Je n'osais pas le dire. Ah, mais je vous le permets. Mais il y a de certaines confidences qu'on ne peut pas faire dès le début d'une première rencontre. Je ne pouvais pas me présenter chez vous et vous dire tout de suite, mademoiselle, il y a des années que je vous vois danser, que je vous applaudis et que je désire vous connaître et vous parler. Ce n'est point tant même de vous connaître que de savoir si vous êtes heureuse. Et j'ai voulu m'en assurer. Voilà beaucoup de sollicitude. Eh bien, monsieur, je vous réponds, je suis heureuse. Oui, oui, oui. Oui, vous le répondez avec une assurance qui se défend de douter d'elle-même. Oui. Enfin, je vous crois et je m'en réjouis. Mais, voyons, la solitude ne vous pèse jamais. Qui vous dit que je sois seule? Ah ben, on le dit. Croyez-le, puisqu'on le dit. Oui. Mais... estimez-vous qu'une jeune femme soit seule quand elle provoque ces admirations dont vous me parliez tout à l'heure? Oui. Quand elle remplit une tâche qui lui plaît si vivement, quand la joie de ce qu'elle accomplit donne une vie à tout ce qui l'entoure? Il y a deux arbres dans cette cour, monsieur. Je puis dire que je les aime comme des frères. Quelle fidélité pourrais-je leur préférer? Le soleil dans les vitres au matin, les premiers chants de Paris, les cris même des voisins, il y en a peu d'ailleurs. Tout m'assure que je ne suis pas seule. Et tandis que je danse, ce miroir me permet d'apercevoir cet autre moi-même, cette compagne mystérieuse, que vous connaissez sans doute mieux que moi. Oui, oui, oui, mais enfin, deux arbres, les cris d'une ville, un reflet, n'ont jamais suffi à combler un cœur. Vous avez une façon tout à fait charmante de tromper votre solitude, mais qui ne trompe pas mon expérience. J'ai vécu, je sais ce que c'est qu'un cœur de 20 ans. Si vous le savez, vous connaissez ses exigences. Et c'est pourquoi je m'inquiétais de votre bonheur. Et vous prétendez y pourvoir? Ah non, oh non, non, je n'ai pas cette prétention. Non, mais je sais ce que je peux vous apporter. Ben, votre horizon, si harmonieux soit-il, est un peu étroit. Une carrière comme celle qu'on est en droit d'attendre de votre talent ne se développe pas entre deux arbres et des illusions. Non, il faut un peu d'air, des agréments, des facilités brillantes. En somme, monsieur, vous voulez m'offrir une voiture? C'est beaucoup dire, et ce n'est pas assez. Non, mademoiselle, non. Non, je ne viens pas vous offrir un carrosse. Mais si je ne suis pas ce protecteur généreux, je puis être un conseiller utile, un voyageur capable de vous conduire en de beaux pays. Vous n'avez jamais eu envie de voyager? Je n'y pense guère. Vous avez tort. Vous ne brillerez vraiment dans votre art que lorsque vous aurez vu se produire ceux ou celles qui se sont illustrés dans les grandes villes d'Europe. Eh bien, un mot de vous, et je vous conduis. Un enlèvement. Quelle galanterie. Non, non, je suis fidèle, monsieur. Quelqu'un m'attache à cette ville, quelqu'un que je ne saurais négliger. Alors, envions cet homme privilégié. C'est vous-même, monsieur. Moi? Enfin, le public de l'opéra. Ah oui, les mille autres. Oui, c'est ça. Bon, enfin, pour une autre fois. Mais on peut avoir à se reposer 3 semaines. Au bout de 8 jours, la scène me manquerait si fort que je ne pourrais résister. Je quitterais tout pour y revenir. Oui. Vous voyez bien que je suis heureuse. Oui, vous le répétez trop, oui. Ce n'est d'ailleurs pas le bonheur que je vous propose, mais un peu d'expérience partagée, de cette connaissance du monde qui fait que le talent le plus vif demeure encore incomplet sans lui. Je vous ferai connaître ce que Milan, Vienne possède de plus savoureux, de plus célèbre. Hein? Allez. Vous savez très bien ce que je vous propose, vous êtes fine. Eh bien, sachez le prendre. J'ai passé l'âge de l'insistance. Je n'ai pas encore celui de l'habilité. Je refuse. Ah bon? Soit. Bon, bah alors écoutez, je vais être moins ambitieux. Voulez-vous me faire la grâce, si vous êtes libre, de dîner avec moi ce soir? Je ne suis pas libre. Non, vraiment? Non. Ah, c'est une mauvaise chance. Je dînais avec mon fils et j'aurais trouvé aimable que nous dînions tous les trois ensemble. Avec votre fils? Oui. Mais monsieur, votre fils ne trouverait-il pas surprenant de voir une inconnue s'asseoir entre vous deux? Mais vous ne lui êtes pas inconnue et je suis sûr que la soirée lui en paraîtrait plus agréable. J'ai répondu que je n'étais pas libre. J'ajoute qu'il n'est pas habituel d'accepter de dîner en compagnie de quelqu'un dont on ignore comment il s'appelle. Ah mais si ce n'est que ça, je vous aurais dit mon nom. Mais vous n'êtes pas libre. Alors tout est dit. C'est dommage. Excusez mon audace, mademoiselle. Oui, la sympathie en est la seule cause. Je pense que vous m'avez deviné. Laissez-moi vous dire combien j'ai été heureux de vous voir, de vous entendre parler. Je ne suis pas déçu. Puis-je insister pour savoir votre nom? Mais quel intérêt a donc un nom? Qu'ajoutera-t-il à une démarche qui ne se renouvellera pas? Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais passé l'âge de l'insistance. Je n'ai pas non plus celui d'inspirer des souvenirs. Et le souvenir de cette visite, s'il devait durer, peut très bien demeurer anonyme. Voilà. Allez, je vous ai fait perdre assez de temps. Au revoir, mademoiselle. Et tous mes voeux. Au revoir, monsieur. Au revoir. Pourquoi ne m'a-t-il pas demandé tout de suite de dîner avec son fils? C'est moi de nouveau. J'ai pu me rendre libre ce soir, nous lions ensemble. Tu n'as rencontré personne au montant? Personne. Comment personne, Yulande? Aucune. Ah, tu me surprends. Quelqu'un venait de quitter cette pièce, quelqu'un dont j'ai cru que tu pourrais le connaître. Tiens, je ne l'ai pas vu, qui était-ce? Je l'ignore encore, je pensais que tu me renseignerais. Jacques, pourquoi feindre cette surprise? Je ne comprends rien de tout ceci. J'ai passé la cour, monté cet escalier sans rencontrer l'homme qui vive, si ce n'est ce petit chat qui vient parfois te voir. Les visiteurs inconnus ne sont pas tour à tour et à volonté des chats ou des tentateurs spirituels. Jacques, regarde-moi de son beau regard qui ne sait pas mentir. Tu n'as pas rencontré dans l'escalier quelqu'un qui t'est cher? Mais personne, Léon. J'ai quitté mon père il y a un quart d'heure, je dois le retrouver non loin d'ici dans quelques instants. Il m'a rendu ma liberté pour ce soir. Je suis venu te prévenir tout de suite et à moins que je n'ai rêvé au point d'en être aveugle, je n'ai rencontré âme qui vit ni dans la cour ni dans cet escalier. Soit. Enfin, de qui s'agit-il? Peut-être ai-je aussi rêvé. Il faudra que j'y repense et ce soir, je pourrai t'en parler à loisir puisque ce soir nous appartient. Moi, je croyais apporter ici le plaisir, j'y trouve le mystère. Mais non, n'empêche pas l'autre, je suis bien heureuse de ce que tu m'apportes, Jacques. Tu dîneras ce soir avec une compagne joyeuse comme une enfant. Bon, nous irons où nous sommes déjà. Oui, où tu voudras. Je viendrai dès que j'aurai quitté mon père. Je ne monterai pas. Je sifflerai notre air. Oui, je serai prête, je te rejoindrai. Merci, Jacques. À tout à l'heure, Léon. Pourquoi m'a-t-il dit n'avoir rencontré personne? Voulait-il me cacher ce qui ne pouvait l'être? Est-ce lui qui m'a envoyé son père? Son père est-il venu sans me prévenir, pour me connaître et me tenter? Jacques eût été surpris de le rencontrer dans cette maison. Il n'aurait pu garder sa surprise. Il savait donc que son père était là. Et il a faim de l'ignorer. Mais que voulait-il? Éprouver ma fidélité? Oh, ne sait-il pas que je l'aime uniquement? Ce n'est pas aimer que d'aimer aveuglément. C'est aimer que de regarder ce qu'on aime sans illusion et de ne plus reconnaître soi-même. Je sais ce qu'est Jacques. Je le sais mieux chaque jour. Et chaque jour, je m'éloigne un peu plus de ce que je croyais être. Pourquoi ne voit-il pas cela, puisque je le vois? Qu'il est grossier de ne pas le voir. Qu'il est grossier, il est grossier, il est grossier. Je voudrais répéter ce mot jusqu'à la délivrance. Mais je me fais du mal à le répéter. Allons, que je l'entende encore. Voyons, répète-le, Léon. Il est grossier. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle, c'est votre voisin. Pouvez-vous me recevoir un moment? Bah, volontiers, monsieur mon voisin. Si ce n'est qu'un moment, car je dois bientôt sortir. Je n'ai pas à vous retenir longtemps. D'abord, n'a-t-on pas déposé chez vous par hasard un paquet? Le concierge me dit qu'un jeune livreur est monté, j'attendais des cadres. Oh non, je n'ai rien vu. Rien vu du tout. Je lui aurais d'ailleurs désigné votre porte. Je vous remercie. Ce n'est pas le seul but de ma visite. J'ai à m'excuser d'une indiscrétion. Oh, vous me surprenez, vous êtes le voisin le plus discret du monde. Combien de fois êtes-vous entré ici depuis 2 ans? 3 ou 4 fois, je crois, dont 2 fois pour m'inviter à venir voir vos tableaux. C'est à croire que vous voulez, à force de discrétion, forcer l'amitié. Laissez-moi vous dire qu'il y aurait fallu plus d'insistance. J'ai été discret, enfin du moins en apparence. Vous m'avez bien payé le retour. Vous m'avez invité à vous voir danser 2 fois à l'opéra et nous en sommes restés là. Ce n'était pourtant pas à moi de sonner à votre porte. Assurément. Mais je savais la vanité qu'il y aurait de sonner à la vôtre. Mademoiselle, quel métier silencieux que de peindre. Quelle fragilité qu'une cloison. Quelle indiscrétion que le printemps sur une cour. Un voisin sait tout, même s'il ne veut rien savoir. Comment aurais-je pu garder une illusion sur la chance qu'on pouvait avoir de vous plaire quand vous montriez tant d'obstination à ne plus rien voir en dehors de ce que vous aviez choisi? Bien malgré moi, je vous entends vivre. Et la longue expérience que j'ai de votre vie m'a rendu discret dans l'indiscrétion. Il est des soirs où je vous aurais volontiers parlé, pour vous faire oublier une solitude. Mon silence fut un hommage à la force de vos sentiments. Alors vraiment, j'ai admiré votre fidélité. Je vous remercie de ce témoignage. Mais ce n'est pas uniquement pour me donner ce compliment que vous êtes ici. Je vous l'ai dit pour m'excuser d'une indiscrétion un peu plus poussée, celle-là, que celle que je pratique bien malgré moi chaque jour. Vous permettez que je... Je vous en prie. J'ai fait la confidence de tout ce que je savais de vous à quelqu'un qui m'est un ami très cher. Il a ri, mademoiselle. Il s'est moqué de ce qu'il appelait ma naïveté et s'est fait fort de me démontrer que vous étiez différente de cette voisine que je lui avais décrite, que vous ressembliez à beaucoup d'autres jeunes femmes, qu'il suffirait de vous parler ou de vous tenter pour vous vaincre. J'ai parié le contraire. Cet ami s'est présenté chez vous tantôt. Après cette visite, il est revenu chez moi et il m'a dit « Mon enfant, c'est toi qui as raison et ta voisine est charmante. » Va le lui dire une fois pour toutes, un peu pour moi en m'excusant, et plus encore pour toi-même. Voilà, c'est fait. Ainsi, monsieur, c'était votre père? C'était mon père, oui. Il vous avait applaudi avant moi, mais il ne vous admire pas plus que je ne le fais. Oh, c'était votre père. Que c'est étrange. Il y a longtemps que vous lui parlez de moi? Pas très longtemps, non. Mais depuis que nous en parlons, nous en avons parlé beaucoup. Il vous avait applaudi, il se souvenait de vous. Il me parlait d'une danseuse. Moi, je lui parlais d'une voisine. Il souriait. Je lui ai dit le sentiment que vous m'inspiriez. Mais c'est à moi qu'il lui fallut le dire. Oh non. Trop de mots entendus derrière ce mur m'assuraient que cela n'eût servi de rien. Ah, croyez-vous. C'est une si belle force de se savoir aimer. Vous le voyez, vous ne pensez qu'à vous-même. Ou plutôt qu'à celui par qui vous voulez être aimé. Oh, je comprends maintenant ces allusions de votre père à mon bonheur, c'était votre inspiration. Exactement, oui. Et vous ne pouvez me répéter à moi ce que vous lui avez soutenu. Je connais vos peines. Les supporterais-je si elles ne me faisaient plaisir? Mais elles vous diminuent et vous le savez mieux que moi-même. Je vous le répète, je n'ignore rien de votre voisinage. J'en ai tout connu. les reproches, les attentes, les pardons. Je sais à présent ce qu'est la monotonie d'une discorde. Rien n'est aussi banal. Je pourrais vous dire les jours heureux et les jours malheureux de votre aventure. Vos minces victoires, vos abandons. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre que vous étiez un peu las de la lutte, ou plutôt de sa banalité. Et vous m'avez envoyé un nouvel adversaire. Mais monsieur, il faut se battre soi-même. Soit. Entendez donc enfin ce que je voulais vous dire depuis très longtemps. Vous ne me donnerez pas l'illusion du bonheur, à moi, qui vous sais le témoin le plus clairvoyant de votre aventure, de tout ce qu'elle comporte d'imparfait dans le présent, de douloureux pour l'avenir. Je n'accablerai pas un absent que vous jugez si bien vous-même, mais je vous plains. Oh, je n'en demande pas tant. Vous l'avez au contraire demandé. Non, pardon pourtant. Je vous connais si bien, je me sens si proche de vous. Que de fois j'aurais voulu vous retenir après ces discussions où vous montriez à la fois tant d'obstination et de grâce. On ne trouvait rien à vous répondre que des choses médiocres. J'avais l'impression d'une telle inégalité, d'un tel désaccord dans les nuances que j'avais envie de partir. Sincèrement, de m'en aller comme je change mon chevalet de place quand je suis mécontent du paysage ou de la lumière. Ce n'était pas moi qui partais. Vous restiez seul. J'allais ouvrir ma porte pour frapper à la vôtre, mais le sentiment de l'inutile, peut-être aussi le sentiment plus simple et plus humble, qui est la timidité, m'en empêchait. Vous êtes drôle. Je ne le souhaite pas. Ce que je souhaite seulement, puisque je suis venu, c'est vous convaincre. Sinon de votre infortune, du moins de ma tendresse. Il faudra m'en reparler encore, une autre fois. Si ce n'est pas ce soir, ce ne sera plus jamais. Et pourquoi ? Parce qu'il est un instant pour se confier, aussi mystérieux mais aussi prompt que le commencement de l'amour. Cet instant est venu pour vous. Est-ce vrai ? Vous pouvez l'entendre en vous-même, comme un silence. C'est pour moi. Je vous demande pardon, il faut que je parte. Mademoiselle Léon, vous allez souffrir. Oh, c'est tout, comme c'est peu pour me retenir. Ne partez pas. Oh, mais vous n'entendez donc pas pour une fois. Mais rentrez chez vous. Mais vous ne voulez pas? Je vais vous laisser. Je vais partir. Vous fermerez bien la porte. Sérieusement, adieu. Non, un mot encore. Je vous aime. À quoi bon? Vous venez d'entendre en transmission différée, diffusée de la Comédie-Française, salle Richelieu, un proverbe en un acte de Gérard Boer, Un voisin sait tout, avec le concours de Jean Dubucourt, Jacques Lancy, Jean Pia et Micheline Boudet, mise en scène de Jean Dubucourt. Mesdames, Messieurs, notre transmission va se terminer maintenant par une tragédie en cinq actes de Corneille, Nicomède. Voici quelle sera la distribution. Jean Yonel interprétera le rôle de Prusias. Jean Chevrier est celui de Nicomède. André Falcon, Attal. Raoul Henry, Araspe. Jacques Servière, Flaminius. C'est Louise Comte qui interprétera le rôle d'Arsinoé. Thérèse Marnet, celui de Cléone. Et Geneviève Martinet, Laodice. Mise en scène de Jean Yonel. Au lever du rideau, le péristyle du Grand Palais de Prusias, roi de Bithynie. Thank you.

Mesdames, messieurs, vous venez d'entendre, diffusé de la Comédie française à Paris, salle Richelieu, Nicomède, tragédie en cinq actes de Corneille, interprété avec le concours de messieurs Jean Yonel, Jean Chevrier, André Falcon, Raoul Henri, Jacques Servière, avec mesdames Louise Comte, Thérèse Marnet et Geneviève Martinet. Mise en scène de Jean Yonel. Mesdames, messieurs, la radiodiffusion française vient de vous présenter en transmission différée, diffusée de la Comédie française, salle Richelieu. En première partie, un proverbe en un acte de Gérard Bouher, un voisin sait tout. Et en deuxième partie, Nicomède, tragédie en cinq actes de Corneille. Nous vous rappelons que M. Edmond C. présentait notre transmission. Speaker, Charles Bassompierre.